de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Sa carrière de cinéaste, dans la Gazette du cinéma, pour Art ou les Cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard l'a commencé en critiquant les films, ce qui déjà pour lui revenait à les réaliser. Devenu réalisateur, il n'a jamais cessé de l'être en critique et historien du cinéma. À la fin de l'année 1965, en 6 ans, depuis le tournage d'About de souffle 6 ans plus tôt, Jean-Luc Godard n'avait pas chômé. Il n'avait pas 35 ans et sortait Pierrot le fou, son 10e long métrage. Sur France Culture, dans Comme il vous plaira, on lui demandait alors où en est le cinéma. Jean-Luc Godard, on pourrait dire que Pierrot le fou est un spectacle du nouveau Moyen-Âge, si nous pensons que nous entrons dans un nouveau Moyen-Âge, autrement dit que ce film est un spectacle unique depuis le Moyen-Âge, dans le sens où la musique, le texte, les images, la couleur, enfin tout ce qui fait ce film est absolument inséparable et qu'il serait difficile, par exemple, de parler des dialogues ou des images de Pierrot le fou qu'on détruirait un peu ce film. J'aime bien cette expression « nouveau Moyen-Âge », enfin c'est mon idée en ce moment justement, que le cinéma pour lui est au stade d'un nouveau Moyen-Âge, enfin est un stade de renaissance. Tout à coup on a l'impression qu'il est de nouveau illimité, enfin. Et pour mon film, enfin je crois qu'il peut donner cette impression à certaines personnes simplement parce que le cinéma sur lui-même c'était très très sclérosé. Et il a l'air absolument étourdissant à propos d'autres films simplement, mais c'est qui sont des films moyens qui sont morts. Celui-là est un film moyen, mais qui est vivant. C'est comme quelqu'un qui sortait d'un camp de concentration, je sais pas quoi, qui allait brusquement dans une ville d'un pays neutre où il trouvait ça extraordinaire. Simplement, une voiture qui passait dans la rue leur semblait fantastique. Un couple d'amoureux qui bavardait leur semblait inouï, enfin des tas de choses comme ça, si vous voulez, je pense. Et peut-être ce film a donné l'impression à des gens que le cinéma, c'était ça. Je veux dire, quand on dit que c'est une fenêtre ouverte sur le monde, la fenêtre était fermée. Et j'aime bien rapporter... Là, j'avais la sensation de faire une œuvre, disons, c'est peut-être là pourquoi Béjart dit que c'est un exemple de théâtre total, disons, de faire une œuvre où les structures d'ensemble étaient plus importantes que les structures de détail. Enfin, une pièce de Feydeau, on peut dire, c'est une œuvre de détail, puisque c'est un agencement de détail. Il y a d'autres... Le roman de Proust, au contraire, est une œuvre de structure... Dès le départ, enfin, le temps qu'il a mis à le faire, du reste, c'est une œuvre de structure générale. Le cinéma est tellement proche de la... Comme il photographie la vie, c'est de la photo de la vie. Je pense qu'il est automatiquement plus total que les autres. Il y a du son, il y a de l'image. Dans le son, il y a du dialogue et il y a du bruit, enfin, je veux dire. Et dans l'image, il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, on peut concevoir un film où il y a... Moi, très souvent, je ferme souvent les yeux au cinéma. Je me souviens d'un film de Dreyer, Gertrude. Je trouvais le dialogue tellement beau dont je comprenais pas un mot, mais qui était comme un quatuor pour moi. Du reste, j'ai tout compris, sans même comprendre le danois, j'ai tout compris. En lisant les sous-titres, je m'apercevais que j'avais compris, bien que ne sachant pas un mot. Et j'ai fermé les yeux, souvent. Et en les rouvrant, les images étaient comme des preuves de ce que j'entendais. Mais si, par exemple, on pourrait très bien, il y a des moments où des films, il ne doit pas y avoir d'image, il n'y a que le son qui compte. Il y a d'autres moments, il n'y a que l'image qui compte, et on peut tout arrêter si... Mais les gens sont tellement habitués à une certaine forme de truc, quoi. Ça serait scandaleux si dans un film, brusquement, il y avait 10 minutes ou sans image, de même que ce serait scandaleux dans un concert, si brusquement l'orchestre s'arrêtait et qu'on passait des images qui seraient la suite de ces sons. On l'admettrait, mettons, dans un spectacle de danse ou de choses comme ça, mais on l'admettrait pas ailleurs parce qu'il est entendu, surtout en France, où il est entendu que l'opéra, c'est ceci... Le drame lyrique, c'est cela, le roman psychologique, c'est ceci. Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'a fait Pagnol, par exemple, c'est un type qui a beaucoup apporté au cinéma et qui a été vomi par tout l'intelligentsia de l'époque du cinéma. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. Tout le néoréalisme italien et même le cinéma vérité, à long terme, est sorti de Pagnol, qui lui était un pur auteur dramatique, mais qui était un l'admirable dialoguiste et raconteur d'histoire aussi bien que Ramu ou que Giono, et ce qu'il a apporté au cinéma était juste. Ce qui était mauvais, c'est si Jean de Lettra veut faire comme du Pagnol, mais Pagnol, non. Et ces films aujourd'hui, même comme ceux de Guitry, tiennent à cause de ça, parce qu'ils sont simples et corrects. Ils ne se posaient pas de problème. Moi, dans une salle de cinéma, il y a beaucoup de gens ensemble, mais qui sont tout seuls. Je crois qu'au théâtre, on est ensemble et on s'identifie, toutes les personnes vont s'identifier à la parole de celui qui parle. Au théâtre, si on dort, c'est scandaleux, par exemple. Un spectateur qui dort au théâtre, il se fait engueuler, on lui dit « Monsieur, allez-vous-en » ou « Chapelier », on ne peut même pas dormir, on est tellement mal assis. Tandis qu'au cinéma, quelqu'un qui dort, moi je trouve ça tout à fait normal. C'est comme dans un train qui passe, personne... on veut aux voyageurs de ne pas regarder le paysage qui passe par la fenêtre. Le cinéma, c'est comme ça. Si vous voulez le regarder, le paysage est là. Le notaire ou l'avocat ou le médecin ou je ne sais pas qui s'ennuie et qui écoute France Culture, là, et qui trouvera ce qu'on dit ou ce que disent d'autres ou des programmes très intéressants. Et le soir, qu'est-ce qu'il va voir comme film? S'il passe un film, il va voir Le lit à deux places ou des choses comme ça. Et si un film de René le met en colère, alors qu'il vient d'écouter du Stravinsky et du Béjart, il a trouvé ça très intéressant. Et après, on lui présente du Stravinsky et du Béjart sous un autre nom dans un cinéma. Il dit, mais qu'est-ce que c'est très mauvais. Voilà. Les gens disent, après une journée de boulot, faut surtout pas leur montrer du boulot encore, faut les vacances, etc. Ben pas du tout, parce que c'est la journée qui doit être les vacances, et puis le cinéma, après, ça doit être le travail, montrer des choses sérieuses. Jean-Luc Godard, Où en est le cinéma ? Au micro de Jacques Florent pour Comme il vous plaira, a été diffusé pour la première fois le 6 février 1966. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.